Et bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107FM. Nous sommes le jeudi 18 novembre 2021. Nous sommes bien sûr en direct, c'est Chris. Il est un peu plus de 14h, il est 14h02 même. Vous êtes dans votre émission Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois dans nos locaux à Saint-Étienne les Remiremont, Rodrigue Rouillère-Cobelli, écrivain, auteur, conteur et scénariste entre autres, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc bonjour Rodrigue. Bonjour Chris et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Comment ça va? Bon, ça va très bien, un peu le trac mais ça ira. Bon, ça va aller. Mais oui. On est gentil ici à Radio Guimauzo. je n'en doute pas. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Ben voilà, comme vous l'avez dit, je suis auteur, avant tout auteur, j'ai envie de dire, j'aime écrire des histoires, inventer des scénarios. Et je suis aussi artiste, dans le domaine des arts plastiques. On en reparlera peut-être. Je pratique le upcycling. Mm-hmm. Et je fais aussi de la photographie. Voilà pour. Enfin, et photographie et vidéo, hein, pour l'essentiel. D'accord. De toute façon, nous allons, on va dire, nous allons traverser votre vie pendant une heure d'émission. Voilà, à peu près. Donc, comme annoncé en introduction, et comme vous venez de le dire, vous êtes écrivain, auteur, conteur, scénariste et du coup upcycler. Mais du coup, quel a été votre parcours personnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que vous avez fait, par exemple, des études de cinéma, de théâtre? Eh bien, je dois dire que moi, c'est depuis que je suis tout petit que j'invente des histoires. D'accord. Donc, bien avant de suivre une quelconque formation. Et... après, au lycée, j'ai étudié les arts plastiques, donc dans le domaine littéraire et artistique. Ensuite, 3 années à l'école des beaux-arts de Metz. Et tout le reste sur le tas, en travaillant d'une façon personnelle, en apprenant tout seul, et aussi avec des associations, notamment pour le cinéma. D'accord. Et donc, nous en parlerons également tout au long de cette émission, mais il est important de préciser que vous avez, entre guillemets, deux carrières, une carrière solo et une avec la compagnie White Tulip. Oui. Voilà. Donc, cette émission, par contre, sera néanmoins centrée sur votre carrière solo, mais on pourra dire quelques mots sur White Tulip, pourquoi pas. Mais oui, on pourra. Voilà. Donc, du coup, en faisant mes recherches, en préparant cette émission, notamment grâce aux différents articles de presse que vous m'avez envoyés en amont, par mail, j'ai eu l'occasion de lire et d'apprendre, et comme vous venez de le dire, que depuis petit, vous êtes passionné par les mots avec lesquels vous inventez des histoires, des pièces de théâtre ou encore des scénettes. Mais est-ce que vous vous souvenez de comment est arrivée cette passion à la base? Bah, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment depuis tout petit. Hein. Et alors, il faut aussi savoir que je suis l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. D'accord. Et donc, étant l'aîné, j'inventais des histoires que je mettais en scène pour mes frères et sœurs. D'accord. Donc, ça, c'était vraiment tout petit. Hein. Mm-hmm. Donc, du coup, depuis le départ, vous êtes autodidacte, plus ou moins. C'est ça, autodidacte. J'ai toujours eu ça en moi, l'envie de créer, d'inventer. Et voilà. Voilà. Et donc, comme vous venez de le dire, quand vous étiez plus jeune, vous aviez déjà du coup un public, vos frères et sœurs, qui étaient là pour. C'est ça. Pour écouter. Pour écouter, pour se divertir. En tout cas, je crois qu'ils étaient même plutôt contents. J'en ai reparlé quelques fois avec eux. Ils attendaient ces moments-là. Ah, voilà. Avec plaisir. C'est une bonne chose. Et justement, oui. est-ce que vos frères et sœurs vous donnaient, par exemple, des conseils sur les choses à améliorer ou au contraire des choses à supprimer? Alors non, pas à ce point-là, ils n'avaient pas l'esprit critique à ce point-là. D'accord. Ils étaient très très beau public, voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Et donc quand vous étiez plus jeune, les premières scénettes, les premières pièces que vous mettiez en scène, c'était sur quel sujet? Oh, bah, ça pouvait être, on va dire, dans le domaine du cirque, quelque part, avec du sketch. D'accord. Par exemple, j'ai pas envie de dire clown, mais presque. Ah oui, d'accord. Mmh. Et donc, cette passion vous a poursuivi, et vous poursuivez encore aujourd'hui d'ailleurs. Et je crois savoir que pendant 15 ans, vous êtes intervenu dans différentes écoles. Oui, effectivement, j'ai fait du conte. Donc là, j'ai poursuivi ce que j'avais commencé tout petit, en écrivant des histoires à destination des enfants de maternelle. D'accord. Et j'ai écrit et tourné pendant une quinzaine d'années dans toute la région Grand Est. Même si à l'époque, elle ne s'appelait pas région Grand Est, c'était la Lorraine, Alsace, essentiellement. Quoi. D'accord. Et donc, pour aller dans ces différentes écoles, est-ce que ce sont eux qui venaient vous chercher ou est-ce que c'est vous qui proposiez vos services, on va dire? Ah ben, pour commencer, il fallait que je me fasse connaître. Donc, effectivement, c'est moi qui contactais les écoles, qui démarchais pour essayer de, bah, voilà, hein, d'obtenir des contrats. Ça a très vite pris et après, le bouche à oreille fonctionnait merveilleusement bien. D'accord. Et encore aujourd'hui, est-ce que c'est, par exemple, le personnel des écoles vous suit encore ou... Non. Non. J'ai arrêté cette activité en 2008. D'accord. C'était la crise à l'époque. J'ai eu 75% de contrats en moins. Ah oui. Et donc, du coup, j'étais quand même contraint d'arrêter cette activité-là. D'accord. Qui marchait plutôt bien. Hein. D'accord. Et du coup, vous êtes orienté vers quel... Bah, après, j'ai continué à travailler dans le domaine du spectacle. Et aussi, je me suis lancé dans l'écriture audiovisuelle en tournant des courts-métrages, par exemple. D'accord. Et vous en tournez encore aujourd'hui des courts-métrages ? Oui, ça fait quelques temps que je n'en ai pas tourné, mais oui, il m'arrive encore d'en tourner et de travailler sur des montages vidéo. Oui. D'accord. Et donc, comme vous l'avez dit en introduction, vous avez fait vos études du coup aux Beaux-Arts à Metz, oui. Avec option photo ? Avec option photo, oui. Mon professeur s'appelait Jean-Luc Tartarin, grand photographe de Lorraine. Mm-hmm. Et donc... En tant que photographe, quelle était votre spécialité, votre sujet de prédilection, on va dire ? Alors moi, je travaillais beaucoup sur les cabanes des jardins ouvriers. D'accord. Et je travaillais avec une chambre panoramique, donc du tirage en très grand format. J'adorais ça. Hein. Je sillonnais toutes les villes, tous les alentours des villes, hein, pour être à la recherche des cabanes de jardins. Enfin, franchement, j'aimais ça. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a amené à vous éloigner des cabanes de jardin ? Bah après, c'est la vie. Hein. J'ai quitté les Beaux-Arts. J'utilisais un matériel de très haute qualité qui appartenait aux Beaux-Arts. Donc, je n'ai pas pu... forcément, j'avais plus ce matériel avec moi pour continuer le travail. Voilà. La vie a fait que j'ai pris d'autres directions. Voilà, la vie vous a poussé sur d'autres chemins. Mais oui. D'accord. Donc il est 14h09. Bien sûr, votre passion première, c'est l'écriture. Oui. Et du coup, au fur et à mesure du temps, vous avez réussi à associer les deux, la photo et l'écriture. Oui. Alors oui, autant j'aime écrire et inventer des histoires, autant j'aime aussi l'image, en fait. Hein. L'image, alors que ce soit... surtout la photo, quoi. Hein. La photo et le cinéma... Je sais dessiner aussi, hein, par exemple. D'accord. Hein, mais c'est moins mon moyen d'expression que la photo ou le cinéma. Mm-hmm. Et donc, en associant du coup l'écriture et la photo, on en parlera juste après la prochaine pause musicale, mais vous avez sorti un ouvrage aux éditions Neraya, oui. Intitulé « Portée disparue », que vous nous avez gentiment amené un exemplaire à la radio. Voilà, donc en noir et blanc, on verra que le format et puis les prises de vue, etc., sont très importants pour vous. Oui, le cadrage est très important pour moi. Et là, en l'occurrence, pour ce bouquin, j'ai choisi un format carré pour photographier donc des cabines téléphoniques. Oui. Leur donner quelque chose d'intemporel et une grande majesté, quelque part, à ces cabines téléphoniques. Bien sûr. Qui racontent plein d'histoires, d'ailleurs. Hein. On revient... moi, quand je travaille l'image, j'aime aussi raconter des histoires, en fait, même si les mots ne sont pas forcément là, exprimés directement. Pour le spectateur, celui qui regarde, il y a des histoires, ça évoque plein de choses. Mm-hmm. Et ben, on pourra en parler juste après. Cette prochaine pause musicale que vous avez choisie, nous allons écouter l'auteur, compositeur, interprète, auteur et acteur Bertrand Belin avec son morceau « Je parle en fou ». Pour donner les quelques références, comme j'aime bien le faire, cette chanson est plutôt typée rock français, pop française, je dirais. Elle est sortie en 2015 et elle est tirée de l'album Cap Waller, ou Waller, je ne sais pas comment ça se prononce, de Bertrand Belin, album sorti le vendredi 9 octobre 2015. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Dans cette matinée, le jardin est brillant. Les arbres sont tordus, ils sont tous ceux que j'aime. Dans cette matinée, sont tendus et leur feuillage est rouge, parlons fou. Bientôt le soir viendra, le jardin sera là, sans personne dedans, moi je serai couché. Le jardin sera là, moi je serai couché, et je dormirai sous, je parlons fou. Les années ont passé, je ne sais plus dans quel ordre. Je n'ai pas trop parlé, il y avait tant à dire. Les années ont passé, je n'ai pas trop parlé. Je n'avais pas le goût, je parle en fou. J'ai aimé une femme qui passait par ici, qui portait une qui portait un sac, qui passait par ici et qui portait ce sac. J'ai embrassé sa joue, je parle en fou. Je n'ai eu qu'un pays et j'ai eu quatre frères. Ils sont là quelque part, chacun est dans sa ville. Je n'ai eu qu'un pays, chacun est dans sa ville, chacun est dans son trou, je parle en fou. Une odeur vient à moi et je peux en pleurer. Le gasoil dans la pluie qui pèse la lumière. Une odeur vient à moi qui pèse la lumière. Ouvre à celui qui bouge, parle en fou. Ça hurle dans la cour, on joue à une guerre. Le vent pique mon cou, je parle en fou. Ça hurle dans la cour, le vent pique mon cou. Les enfants ont leur cou, je parle en fou. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes bien sûr toujours en direct, il est 14h, presque 16. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France. Vous venez d'écouter Bertrand Belin avec le titre « Je parle en fou » et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Rodrigue Rouillère-Cobelli, écrivain, auteur, conteur et scénariste qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Ça va toujours ? Ça va toujours. Parfait. Donc j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, car je le rappelle, si jamais de nouvelles auditrices ou de nouveaux auditeurs nous connaissent seulement maintenant et nous rejoignent seulement maintenant, dans mon émission Fréquence Libre, même dans mon autre émission à la rencontre d'auteurs, je demande toujours à mes invités de choisir les pauses musicales afin que la dite émission leur corresponde le plus possible. Donc j'aime beaucoup poser cette question, pourquoi avoir choisi d'écouter ce morceau en particulier ? Ah bah j'aime déjà énormément Bertrand Belin. D'accord. C'est vraiment un auteur et compositeur que j'aime, que j'ai eu l'occasion de voir en concert à Sainte-Marie. D'accord. Et il a beaucoup d'émotions dans ce qu'il chante et beaucoup d'attentes intérieures. Ça me correspond assez. Il parle du quotidien. Mm-hmm. Et voilà. Et beaucoup d'attentes, en fait, c'est vrai. J'ai l'impression qu'il attend beaucoup de choses de la vie, en fait. D'accord. Et en écoutant du coup cette musique, parce que c'est pas la première fois que je l'écoute, je l'ai également écouté en préparant cette émission, j'ai cru reconnaître dans la voix, même dans le style, une certaine influence de Benjamin Biolay. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah oui, Benjamin Biolay, effectivement, c'est un autre chanteur que j'aime. Ah, voilà. Il y a des correspondances, c'est certain, oui. Voilà. Donc du coup, nous allons reprendre le cours de cette émission, et comme nous le disions avant cette pause musicale, vous avez réussi à associer photographie et écriture, car vous avez sorti du coup un ouvrage intitulé « Portée disparue » et publié aux éditions Nereia concernant la disparition des cabines téléphoniques. Donc comment vous est venu, on va dire, le déclic qui vous a fait vous dire « c'est un sujet à traiter ». Ah bah le déclic, c'est assez marrant. J'étais avec ma compagne et puis on était sur le chemin des vacances et on s'était arrêté, on a fait une pause dans un village et il y avait une cabine téléphonique. Alors ça nous a rappelé nos 20 ans, hein, parce que ça c'était vraiment, les cabines téléphoniques, c'était emblématique de mes 20 ans. Donc on s'est amusé et puis voilà, tout simplement, hein, j'ai envie de dire, ça s'est arrêté là. Et puis après, au hasard de nos promenades diverses, on trouvait d'autres cabines téléphoniques qui complètement inutilisées, évidemment. Mmh. Et petit à petit, on s'est dit, tiens, ça vaudrait le coup de les immortaliser, surtout que il y avait une disparition programmée, hein, de ces cabines. Voilà, oui. Et d'ailleurs, maintenant, on n'en voit plus beaucoup dans les agglomérations. Hein. C'est vraiment disparu du paysage. Alors, certaines, maintenant, sont restées ou reviennent sous forme de cabines à livres. Mm-hmm. Mais voilà, elles ont été détournées de leur fonction initiale. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose, je trouve. Hein. Ça fait partie de notre patrimoine, ces cabines. C'est vrai. Et du coup, là... En même temps que cette émission, que vous répondiez, tout ça, je feuillette un petit peu votre ouvrage. Et du coup, là, je l'ai sous les yeux, mais pour nos auditrices et auditeurs qui n'ont pas forcément l'ouvrage sous les yeux, donc il y a du coup les photos des différentes cabines téléphoniques. Oui. Et du coup, qu'est-ce que vous racontez, qu'est-ce que vous dites, alors, avec le côté écriture, du coup? C'est vrai que certaines cabines, du fait de leur du contexte, de l'endroit où elles sont, ou bien certaines ont aussi des affiches collées ou des choses comme ça. Donc, pour moi, elles évoquaient des histoires, en fait. Elles évoquaient des sentiments, des choses. Alors, j'ai traduit ça en quelques lignes et qui accompagnent les photos. Voilà. Et du coup, vous séparez du coup cet ouvrage en fonction, en quelques chapitres, du coup, les différentes régions. Donc là, j'ai 57, Meuse, par exemple. Oui. Eh ben, c'est-à-dire que toutes ces cabines que j'ai photographiées, c'est dans toute la Lorraine, donc dans les quatre départements lorrains. Et j'ai séparé le livre en quatre chapitres, on peut dire ça comme ça. La Meuse, la Meurthe-et-Moselle, la Moselle et les Vosges. Voilà. Et du coup, cet ouvrage, quand est-ce qu'il a été imprimé? Quand est-ce qu'il est sorti? Eh bien, il est sorti... alors, là, j'ai toujours un problème avec les dates, moi. Et il est sorti l'année dernière, hein, me semble-t-il. Achevé d'imprimer en 2020. Ah, ben voilà. Merci. Voilà. Avec plaisir. Et merci pour la précision. C'est vrai que moi, j'ai un problème avec les dates. Il n'y a pas de souci. Et du coup, nous voyons que, en fait, vous avez créé cet ouvrage sur plusieurs années. Oui, ça fait quand même quelques années que j'ai sillonné la Lorraine pour rechercher ces fameuses cabines. Alors j'ai vraiment été quasiment partout. Hein. Après j'ai fait une sélection, forcément, je ne pouvais pas tout présenter non plus. Et j'ai profité en fait du premier confinement. D'accord. Pour élaborer la mise en page et puis travailler avec l'éditeur, hein, de manière à ce que le bouquin puisse être publié. Mmh. Parce que par exemple là j'ai sous les yeux la page Vittel 88 juin 2017. Eh oui. Voilà. Et on voit qu'en fonction, en fait, que toutes les cabines téléphoniques, donc leur fonction première c'était du coup de téléphoner comme ton nom l'indique, mais qu'elles étaient toutes différentes. Ah mais oui, et ça on se rend compte, hein, effectivement, on a toujours l'impression qu'elles étaient parfaitement identiques. Mm-hmm. Eh bien non, je pense qu'il y a plusieurs générations de cabines, et donc toutes avaient leur propre design, on va dire. C'est ça. Mm-hmm. Et donc du coup, on continuera de parler de ça un peu plus tard, mais du coup, comme vous l'avez dit en introduction, vous êtes upcycler, vous pratiquez ce qu'on appelle le upcycling. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, pour faire simple, c'est de la récupération, hein. C'est récupérer des vieux objets, en tout cas des choses qui sont abandonnés, qui sont voués soit à la destruction, soit à l'abandon, hein, dans une déchetterie, par exemple. Mais moi, j'aime les vieux objets, j'aime les vieilles choses qui ont une histoire ancienne. Et le upcycling, c'est pas seulement récupérer des vieilles choses, c'est aussi leur redonner une seconde jeunesse et les valoriser. Alors moi, je les valorise artistiquement. Je crée pas mal de meubles ou d'objets décoratifs, mm-hmm, à partir de vieilles choses, en privilégiant le bois et le métal. D'accord. C'est une sorte de recyclage. C'est du recyclage, mais j'ai envie de dire amélioré, parce que je lui apporte ma touche personnelle. D'accord. Et donc, petite info aussi, ma foi, intéressante. Nous sommes aujourd'hui le 18 novembre. Oui. Et je crois savoir que c'est un jour un peu particulier pour vous. Ah bah c'est très particulier, oui, ça tombe bien, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc, joyeux anniversaire, Rodrigue. Je vous remercie. Voilà, c'est pour ça que j'ai vu ça en faisant mes recherches. Donc, on avait... Pour rien cacher, pour tout dire à nos auditeurs, cette émission devait déjà être faite depuis un petit moment déjà. Oui. Mais suite à différents problèmes d'emploi du temps, on n'avait pas réussi à le faire avant. Mais du coup, aujourd'hui, ça tombe bien, le 18 novembre, c'est votre anniversaire. Ben voilà, c'est un beau cadeau. Voilà. Je vous remercie. D'une pierre deux coups. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite anecdote, ma foi, très, très intéressante, je trouve. Donc nous allons... on va mettre un petit peu de côté portée disparue et on va... suivre, on va continuer la lecture, entre guillemets, de votre CV. Mmh. Est-ce que vous vous souvenez de la toute première pièce de théâtre que vous avez montée ? Ah oui, je m'en souviens très bien. J'étais encore au Beaux-Arts à l'époque. Et dans le cadre des Beaux-Arts, on devait monter un projet culturel, hein, quelque chose, une manifestation en tout cas. Et moi, j'ai décidé de créer une pièce de théâtre. Voilà, d'accord. Donc c'était l'occasion. Et ça s'appelait Blues Nocturne. D'accord. Ça, c'était le titre. Ce qui y avait dans cette histoire-là, c'était des histoires d'amour, de gens qui cherchent l'âme sœur. Tout ça se passait dans le cadre d'un café, on va dire ça comme ça, un café. Et il y avait aussi de la musique. Alors j'associais déjà plusieurs disciplines. Donc il y avait des musiciens en direct, tout ce côté blues. D'accord. Mais donc du coup, vous étiez juste le monteur en scène ou est-ce que vous jouiez également dans la pièce ? Ah non, je n'ai pas joué dans cette pièce. Je me suis contenté de l'écriture, ce qui était déjà énorme. Ah bah oui. Enfin, de l'écriture et aussi de la production. Hein. Donc mettre en place tout ça, trouver une compagnie pour mettre la pièce en scène. Enfin voilà. Okay. C'était à Nancy et avec la troupe du Pourquoi Pas. Je tiens à les remercier. Et en parlant de troupe, justement, est-ce que vous vous souvenez de la première pièce de théâtre que vous avez montée ou dans laquelle vous avez joué avec White Tulip ? Ah bah avec White Tulip, la pièce de théâtre la plus importante, c'est celle qu'on avait montée juste avant le premier confinement. Alors c'est pas de bol, hein, pas de bol, c'est parce vrai. Que c'était ça démarrait très fort et ça s'est arrêté d'un coup. Ça, le titre c'est Mona Théou. Mm-hmm. Et ça traite d'Alzheimer, du problème d'Alzheimer. Voilà, justement, j'ai préparé quelques questions là-dessus un peu plus tard dans cette émission. Et du coup, à la base, cette émission, ça aurait été concernant White Tulip, mais vu qu'on a convenu de faire une émission vous concernant vous, et on fera une autre émission dans le futur avec White Tulip, pourquoi pas ? Ben, j'espère bien, oui. Voilà. Vu que maintenant, c'est vrai qu'avec la situation actuelle, depuis 2 ans, avec du coup la crise sanitaire, c'est pas évident pour tous les acteurs culturels. C'était vraiment problématique, en tout cas. Oui. Hein. Surtout pour nous, toute petite structure, on n'avait pas les moyens de tenir avec ça. Donc c'est pour ça qu'on a carrément arrêté pendant 2 ans. On ne pouvait plus rien faire. Hein. Voilà. Mmh. Et du coup, est-ce que ça reprend tout doucement ? Eh bien voilà, on a le projet de redémarrer cette pièce. D'ailleurs, vu que le temps est passé, je suis à la recherche d'une comédienne chanteuse. Alors, ma foi, passons l'annonce, hein, si jamais bien sûr. Il y a des postulantes. Bien sûr. Donc, maintenant, on va... donc la comédienne chanteuse, c'est pour le rôle de Mona ? C'est ça, exactement. C'est pour le rôle de Mona, oui. Voilà, Mona, parce que la pièce de théâtre traite également, il y a un certain Léonard dedans. Eh bien voilà, c'est le personnage principal, en fait. Hein. Donc, le personnage principal, c'est Léonard de Vinci. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Hein. Ce qui permet, en fait, de rester dans le domaine artistique, mais surtout de traiter de la mémoire, hein, parce que Alzheimer, on s'en doute, c'est la perte de la mémoire, mais de la mémoire immédiate, en fait, alors que la mémoire ancienne reste très très présente. Donc là, j'extrapole, hein, je tire le temps, et la mémoire ancienne d'il y a 500 ans est toujours d'actualité pour le personnage, alors que sa mémoire immédiate est complètement en vrac. Voilà, donc Léonard de Vinci, Mona Lisa. Mais bien sûr, voilà. La Joconde. Voilà. La fameuse Joconde. Et donc, du coup, on va revenir un petit peu, voilà, j'aime bien jongler un petit peu à votre activité d'auteur photographe. Donc cet ouvrage, Portée disparue, je crois savoir que ce n'est pas votre premier ouvrage. En ouvrage photo, c'est le premier. Mm-hmm. Mais j'avais écrit d'autres choses, notamment 100% utile pour la planète. Eh oui. Des choses très très drôles et absurdes sur des gestes utiles à faire pour le bien-être de notre planète dans le contexte environnemental qui est le nôtre. Oui, parce que on comprend facilement quand on fait quelques recherches que le côté environnemental, c'est un côté qui vous tient vraiment à cœur. Oui, mais je suis très ancré dans tout ce qui nous entoure et dans la vie. Donc le problème environnemental me touche beaucoup, oui. Mmh. Et juste pour revenir aussi sur ces gestes utiles pour la planète, au départ, en fait, c'était justement des petites vidéos de 1 minute. D'accord. Que j'avais réalisées avec, avec Jean-Claude Fischer, un ami à moi. Certaines de ces scénettes étaient passées sur Canal+, à l'époque. C'est vrai. Et donc, du coup, pour continuer sur cet ouvrage, donc Portée disparue, il y a du coup du texte et des photographies, comme on le dit depuis le début de cette émission. Mais est-ce que ça veut dire que pour vous, l'écriture est difficilement dissociable de la photographie? Est-ce qu'on peut dissocier l'écriture de la photo? Alors, on peut dissocier, hein, évidemment, mais j'ai toujours envie, moi, d'écrire des choses sur ce que je vois, sur ce que j'entends. Et donc, j'ai toujours envie de rajouter ma plume même à de l'image. D'accord. C'est plus parlant pour vous, c'est plus... Ça complète, en fait, ce qu'expriment les images en elles-mêmes, oui. D'accord. Et ça complète et en même temps, ça peut être aussi en décalage, parce qu'on ne s'y attend pas forcément. Par exemple, dans Portée disparue, effectivement, j'anthropomorphise les cabines téléphoniques en leur prêtant des sentiments ou des choses comme ça. Mm-hmm. Ben je lirai ça, voilà, parce que vu que vous nous avez gentiment fait don d'un exemplaire, donc je m'y attarderai. En plus, il n'est pas très long, il fait, je ne sais pas combien de pages, 60 pages même pas. Voilà, 60 pages, je crois, voilà. Précisément. Oui. Et ben voilà, je m'y intéresserai de plus près. Donc, il est 14h30. Avant de poursuivre cette émission, je vous propose de nous lancer directement dans une deuxième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois. Oui. Et que nous écoutons cette fois-ci le groupe Ferguson, j'espère que je le prononce bien, avec leur morceau intitulé L'été. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, cette chanson est plutôt typée pop à nouveau. Elle est sortie en 2018 et elle est tirée de l'album éponyme du groupe, donc album intitulé également L'été. Album sorti le lundi 22 janvier 2018. Alors, du coup, on écoute ce titre et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission d'ici un peu moins de 3 minutes. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. L'eau du ciel a jeté un peu de chagrin. presque l'embellit. Et c'est ce qu'on appelle un petit blanc. Voilà, c'est le l'inconvénient de faire plusieurs choses à la fois, d'être, de sortir du studio. Voilà, heureusement que on a la radio dans notre bureau pour voir quand ça s'arrête ou quand voilà. Mais bon, je suis de retour, on est de retour, il est 14h34, vous êtes de retour du coup sur Radio Guimauzo, vous êtes bien sûr toujours en direct et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguimauzo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers car je sais qu'on nous écoute en Belgique, en Suisse et même au Québec, donc ça tombe bien. Bonjour à tout le monde et du coup nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux, vous venez d'écouter Ferguson et leur titre L'été, voilà. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Rodrigue Rouillère-Cobelli, écrivain, auteur, conteur et scénariste, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Rodrigue ? Toujours très bon. Parfait. Donc, même question que pour la première fréquence oui. musicale, pourquoi avoir choisi ce morceau ? Ah, bah, Ferguson, c'est un petit clin d'œil à ce duo vosgien qui habite, si je ne me trompe pas, dans la même commune que moi. D'accord. Et donc ils sont vosgiens ? Eh oui. Enfin, pas d'adoption. D'accord. Mmh. Ah ben voilà. Eh ben oui, bah, je vous apprends quelque chose. Alors. Eh ben tout à fait. Tout à fait, oui. À savoir qu'ils ont tourné récemment avec au théâtre de Bussan. Eh ben je ne le savais pas. Ah ben voilà. Il faut revoir votre culture. Je vais y penser. Oui, oui. Non, ben voilà. Et puis après, c'est une belle chanson. Je l'aime beaucoup. Elle évoque des paysages intérieurs pour moi. Et c'est voilà. Donc c'est un petit clin d'œil et aussi parce que je l'aime cette chanson. Voilà. C'est vrai qu'elle est pas mal. Les voix se mélangent bien, je trouve. Oui. Donc tout à l'heure, vous avez cité un nom qui a été important de votre carrière, Jean-Luc Tartarin. Voilà. Donc je crois savoir que c'est lui qui vous a encouragé à poursuivre dans la voie de la photographie car à l'époque vous travailliez sur une série de photographies du coup comme vous l'avez dit sur des cabanes de jardin. Oui. Donc c'est lui qui vous a poussé Oui, c'est vrai qu'il appréciait mon travail, il avait un regard très critique sur les photographies et il m'a vraiment encouragé. Ouais. J'ai vraiment apprécié de travailler sous sa houlette, on va dire, d'apprendre. D'accord. Donc justement, est-ce qu'à travers vos clichés, il y a une certaine volonté d'immortaliser les cabines avant qu'elles disparaissent totalement ? Ah oui. Moi j'aime bien, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime tout ce qui est toutes les traces du passé et alors tout ce qui est destiné à disparaître, j'ai envie de l'immortaliser. Hein. J'aime beaucoup les ruines, par exemple. D'accord. Et j'aime aussi les anciennes affiches publicitaires ou celles qui sont peintes sur les façades. J'avais aussi travaillé là-dessus, d'ailleurs. Et donc, les cabines, bah, du fait qu'elles devaient disparaître, ça m'a donné vraiment envie d'en conserver une trace. D'accord. De manière à ce qu'elles aient, en quelque sorte, une vie éternelle. C'est ça. Sauf vos clichés, du coup. Oui, et puis c'est un rappel voilà, à ma propre vie, à ma jeunesse. Et voilà, j'ai besoin de transmettre ça aussi. D'accord. OK. Et donc, est-ce que, du coup, j'imagine, est-ce que cet ouvrage a déjà un certain succès ? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont fait un retour ? Alors oui, des retours positifs, beaucoup, oui, effectivement. Un certain succès, bon, après, on est dans une petite édition, hein, c'est pas... Voilà, moi, je suis très content, ça marche plutôt bien. Le vrai souci, en fait, c'est qu'avec la pandémie, la crise sanitaire, beaucoup de salons nous ont été fermés. Voilà, ça va reprendre. D'ailleurs, dimanche, je serai à Séchamp, salon du livre, pour présenter cet ouvrage. D'accord, donc Séchamp, c'est donc... C'est à côté de Nancy. D'accord, voilà, il faudra s'y rendre, du coup, pourquoi pas si... Mais oui, pourquoi pas, pour me rencontrer, mais pas que moi. Hein. Bien sûr. Même mon éditeur, d'ailleurs, que je salue au passage, Stéphane Duda, qui est auteur de bande dessinée, qui présente aussi... son ouvrage sur l'épopée de Gilgamesh, un roman graphique que je trouve vraiment, vraiment, vraiment génial. D'accord, justement, donc cette émission tombe doublement bien, du coup. Ça vous fait un petit peu de publicité pour, concernant le prochain salon, et du coup, voilà, parfait. Parfait, donc d'ailleurs, nous parlions un peu plus tôt de cette émission du format choisi et de la prise de vue. Et donc, le format et la prise de vue ne sont pas choisis au hasard, c'est un format carré et une prise de vue en noir et blanc. Oui. Donc, pourquoi ce choix ? Le noir et blanc, c'est vraiment pour redonner un sens intemporel. Et puis, je trouve que ça magnifie, en fait, le sujet, hein, le noir et blanc. D'accord. Après, d'une manière plus générale... Moi, du point de vue plastique, j'ai envie de dire, je suis plus sensible aux lignes et aux formes et aux contrastes qu'aux couleurs en elles-mêmes. D'accord. Donc le noir et blanc, pour moi, il s'impose toujours. D'accord. Et pourquoi le format carré ? Le format carré, pour donner une grande stature aux objets et leur donner toute leur force, en fait. Voilà vraiment les mettre en valeur. Oui. Ce sont eux, même si c'est pas un roman, ce sont eux en gros les personnages du livre. C'est ça. D'accord. Cependant, du coup, ce format et cette prise de vue sont choisis pour vos photos, mais chaque cabine, comme on l'a dit également un peu plus tôt, s'individualise et chacune a des points communs et des différences avec les autres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur tout ça ? On se rend compte que c'est souvent plutôt le décor, tout ce qu'il y a autour, ou l'endroit où elles sont positionnées, ces cabines, qui exprime plein de choses et qui laisse deviner des histoires, en fait. Elles sont placées dans des endroits qui, des fois, sont insolites. D'accord. Voilà. Après, c'est une grande famille, finalement, les cabines. Hein. C'est vrai, elles se ressemblent toutes. C'est comme une famille. Elles ont des traits communs, mais elles ont toutes leur individualité. Et donc, du coup, comme vous le disiez également un peu plus tôt dans cette émission, même si certaines n'ont plus leur utilité première, elles ont une seconde vie grâce aux cabanes à livres. Eh oui, on en voit de plus en plus. Hein. Moi, il m'est arrivé de traverser des agglomérations et de retrouver, de me dire, tiens, là, j'avais photographié une cabine, elle a été enlevée aussitôt après, et la revoilà qui vient flambant neuve avec des bouquins. Bien sûr. C'est bon, ça arrive, hein, c'est chouette. Bien sûr. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça vous fait de voir ces cabines téléphoniques transformées en cabanes à livres ? Ça fait du bien, ça fait plaisir, mais est-ce que ça vous fait ressentir d'autres choses, peut-être ? En plus, moi, j'aime les bouquins, hein, puisque je suis auteur, donc je trouve que c'est franchement formidable. Et ça va un peu dans le sens de mon bouquin, quelque part, puisqu'elles expriment des choses, elles racontent des histoires, et du coup, elles en proposent aussi des histoires sous forme de livres. Je trouve ça... Je trouve que ça complète bien, ça évolue bien. Voilà, une double utilité. Exactement. Et donc maintenant, je vous propose de nous intéresser davantage, du coup, à une autre facette de votre vie, votre métier d'auteur et de metteur en scène. Donc, comme on l'a dit un peu plus tôt dans cette émission, une des pièces que vous avez mises en scène s'intitule Mona Théo. Oui. Et cette pièce, du coup, traite d'un sujet quand même très important, la maladie d'Alzheimer. Avec Léonard, c'est mieux, oui. Qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et dans cette pièce, il y a également une certaine Mona, donc Mona Lisa, Léonard de Vinci, comme on l'a dit. Mais du coup, comment vous est venue cette idée de pièce ? Comment elle est venue ? Alors, ça, c'est toujours difficile à dire, hein, comment viennent les idées. Il y a des envies, puis après, ça mûrit très longtemps, hein, moi, dans mon esprit, avant d'aboutir à quelque chose. Il y a des idées directes. tristes, et puis au fur et à mesure, des choses s'amalgament. Et au départ, je voulais travailler plus sur la solitude de quelqu'un, et finalement, de sa solitude, on est passé à la perte de la mémoire, à Alzheimer, et puis est intervenu dans l'histoire, c'est celle qui est censée être sa fille, mais que lui prend pour sa petite fille ou son modèle, enfin on ne sait plus trop, et lui, et voilà, il est vraiment perdu dans sa maladie. Et je crois savoir également que cette pièce a déjà eu des retours positifs de personnes. Ah, c'était vraiment fabuleux. À la première, qui avait été jouée à Nopatliz, les retours, je m'y attendais pas, hein, beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils étaient bouleversés, et ça, je ne l'avais encore jamais entendu sur d'autres pièces. Alors, c'est là que je me suis rendu compte que la maladie d'Alzheimer, ça concerne énormément de monde, beaucoup de familles sont touchées par ça, et du coup, la pièce éveille ou réveille des douleurs, mais aussi de l'espoir. Et j'ai même entendu certaines personnes me dire « Ah ben je comprends mieux, au hasard, mon père, ma mère ou mon grand-père, enfin, je comprends mieux les membres de ma famille qui ont eu Alzheimer, je les comprends mieux. » Ça, c'était vraiment gratifiant. J'imagine. Et donc, pour monter cette pièce, pour créer cette pièce, est-ce que vous vous êtes renseigné du coup sur Internet, pour être sûr de ne pas dire de... Ah oui, alors bien sûr, je fais toujours beaucoup de recherches quand j'écris, parce que je ne tiens pas trop à écrire des bêtises, j'essaye de minimiser les bêtises. Alors je me suis beaucoup documenté, j'ai rencontré des gens qui travaillent dans le milieu, avec des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. D'accord. Et puis aussi, c'est lié aussi à une expérience personnelle. D'accord. Alors pas quelqu'un de ma famille, mais un ami sculpteur qui a été lui aussi touché par la maladie d'Alzheimer et que j'ai vu ainsi décliner. Ça c'était très bouleversant pour moi. Ça a été le moteur aussi de l'écriture de cette pièce. D'accord, parce que surtout que cette maladie, la maladie d'Alzheimer, elle est connue, mais elle reste encore taboue quelque part. Je ne sais pas si elle est taboue, oui, probablement. Oui, elle doit être taboue dans les familles, je pense, effectivement. C'est difficile d'en parler, c'est pour ça. Mais il me semble quand même que, d'un point de vue sociétal, on en parle quand même de plus en plus. C'est vrai, il y a de plus en plus de... Pourquoi pas des associations, des choses qui... Oui. Je veux dire qu'ils luttent contre cette maladie, mais malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. On ne sait pas trop quoi faire, effectivement, oui. Et donc, justement, à travers cette pièce, est-ce qu'il y a une certaine volonté d'amener le spectateur ou la spectatrice à réfléchir sur le fonctionnement du cerveau, sur la mémoire, les souvenirs, sur les maladies neurodégénératives ? Eh bien, c'est ça. Donc, cette pièce, elle a une vocation, on va dire, également autant pédagogique que sensible. Ça parle de ça, ça exprime un peu la mécanique. De la maladie, et ça évoque aussi toutes les relations qu'on peut avoir avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Donc justement la souffrance de cette maladie, c'est non seulement du côté des malades, oui, mais aussi du côté des proches, et peut-être même plus du côté des proches quelque part, qui sont vraiment vraiment démunis par rapport à ça. Donc que tous les aidants en fait sont démunis, J'imagine. J'imagine. Mais justement, est-ce que du coup vous diriez que vous êtes multicasquette ? Alors, multicasquette dans quel sens ? En fonction de tout ce que vous faites dans votre vie, auteur, scénariste, metteur en scène. Moi j'ai tendance à penser que tout se rejoint. D'accord. Et que ces différentes facettes, en fait, plutôt que multicasquettes, ces différentes facettes de ce que j'ai envie d'exprimer. Alors c'est vrai que des fois, ça s'exprime plus facilement sous forme d'écriture, d'autres fois sous forme de photos, d'autres fois sous forme de création en volume, enfin voilà. Donc un art peut être plus propice qu'un autre ? Oui, en fonction du sujet, je pense, oui. D'accord. Et de ma propre sensibilité. Et justement, dans vos créations, est-ce que vous diriez qu'il y a un certain humanisme ? Il y a beaucoup d'humanisme dans ma création, parce que je suis toujours très à l'écoute de ce qui nous environne, du monde, de la formation qu'on peut avoir de partout. Enfin, je suis très sensible à tout ça la réalité, en fait, la réalité qui nous entoure, moi, elle m'intéresse beaucoup. Et j'ai envie de rajouter dedans quelque chose, soit d'insolite, soit de merveilleux, soit de dramatique. Voilà, après, ça dépend du sujet aussi, quoi. Mm-hmm. D'accord. Donc, il est 14h47. Nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission. Elle a passé à une vitesse folle. Mais avant de poursuivre encore un peu, à nouveau, je vous propose de nous lancer directement dans une troisième fréquence musicale que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions cette fois-ci le groupe Les Imprudents avec leur morceau Soleil Noir. Une nouvelle fois, au niveau des quelques références, ce morceau est sorti en 2019. Il est tiré de l'album Sauvage Innocence des Imprudents, album disponible sur la célèbre plateforme Bandcamp. Il s'agit du premier titre de l'album, album sorti le mardi 12 février 2019, du coup sur la plateforme Bandcamp. Donc on écoute cette musique et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. Soleil Noir du groupe Les Imprudents sur Radio Guémozo. Vous êtes de retour, il est 14h52, vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et aussi sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Rodrigue Rouillère-Cobelli, écrivain, auteur, conteur et scénariste entre autres, qui est là pour nous parler de tout ce qu'il fait. Tout est toujours bon pour vous ? Tout est toujours bon. Parfait. Donc, même j'hésite à la poser vu que vous la connaissez déjà. Oui, je la connais déjà. Pourquoi ce morceau ? Pourquoi ce morceau ? Ah, bah écoutez, d'abord les Imprudents, ce sont des amis de grande date. D'accord. Le parolier, notamment, avec qui, enfin Dionys Descrevel, avec qui j'ai fait mes premières armes dans l'apprentissage du cinéma il y a très très longtemps. D'accord. Un grand poète pour moi. J'aime okay. beaucoup son travail, son écriture. Et bah, associé avec la voix de Vincent Russo, le chanteur, j'adore. Voilà. J'avais tourné pour eux, pas sur ce titre-là, mais sur deux autres titres, ou trois autres même, des clips vidéo d'ailleurs. D'accord, c'est une sorte d'hommage que vous leur rendez. C'est un hommage, mais un hommage sincère. Bien sûr. Bien sûr. Pas seulement parce que ce sont des amis. Bien sûr, je n'en doute pas du tout. Oui. Donc. Comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission. Il y aurait encore, je pense, tellement de choses à dire, mais y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé ? Oh, bah alors là, c'est difficile à dire, ça. Il y a tellement de choses. C'est vrai. Non, je sais pas. Vous me posez une colle, là. Ah. Bon. C'est pas bien grave, de toute façon, vous reviendrez avec White Tulip. Ah ben, on peut revenir avec White Tulip, si vous voulez. Voilà, on pourra faire une émission plaisir. Plus centrée sur White Tulip, du coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour la suite, bah, plein de réussite, bien sûr. Non, mais bon, il y a le projet... Bon, Portée disparue. Donc là, maintenant, on espère quand même que les salons du livre vont vraiment réouvrir et bien pouvoir, sûr. Du coup, diffuser plus largement ce livre qui, pour moi, mérite d'être montré. Il y a ça, d'une part. D'autre part, il y a ce projet de théâtre avec Mona Théou, où là, quand même, c'est vrai, on était tellement bien partis. Avec tellement de réussite potentielle que c'était tellement dommage d'arrêter tout ça, d'être contraint à abandonner ce projet, que là, on veut le remettre en route. On fait tout pour que ça marche. Et ma foi, on croise les doigts parce qu'on voudrait quand même que cette pièce puisse tourner. Elle peut intéresser beaucoup de gens, les familles, les enfants, les aidants. Voilà. Voilà. Ça mérite. Et on le rappelle, vous êtes à la recherche d'une comédienne chanteuse. Voilà. Pour du coup reprendre le rôle de Mona. Et c'est ça. C'est ça. Voilà. Si nous voulons vous suivre et suivre votre actualité, comment pouvez-vous nous faire ? Alors bon, bah on peut suivre www.roguestreet.fr. Voilà. Ou alors sur le site de l'association White Tulip, alors pareil, www.whitetulip.fr. Voilà, donc WHYTULIP. Voilà. Voilà. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission. Comme ça, si les auditrices et auditeurs veulent vous retrouver facilement, ils ont juste à cliquer sur les liens et puis. Eh bien, je vous remercie. Avec plaisir. Est-ce que vous avez du coup un. Et aussi, on peut vous retrouver du coup ce week-end. On peut le rappeler ? Voilà, ce week-end à Séchamps, au Salon du Livre de Séchamps, donc à côté de Nancy, dimanche, toute la journée. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte ? Oh, ben, dernier mot, non, à part vous remercier chaleureusement. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Là, c'est à mon tour de vous remercier, Rodrigue, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Cette émission sera rediffusée demain, vendredi, à 18h, avec le podcast de cette émission posté sur notre page Facebook au début de la semaine prochaine. Si vous voulez, je pourrais même, pourquoi pas, vous l'envoyer par mail, si vous voulez la récupérer. Ah, ben moi, je veux bien, oui, je suis preneur. La récupérer, la partager. Exactement. Et bien faire connaître à la fois votre émission et Radio Guémozo, je trouve que c'est important. Bien sûr, avec plaisir. Bah, merci, du coup. Là, je vous remercie une nouvelle fois, du coup. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Concernant la suite des programmes, retrouvez Gilou et les années bonheur d'ici une petite heure à 16h, dans laquelle il sera accompagné par téléphone de Bastien Rémy, chanteur comédien au rôle unique, celui d'un Claude François plus vrai que nature. Vous écouterez même certains des plus grands tubes de Claude François dans cette émission. Quant à nous, nous nous retrouvons samedi à 13h30 pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, dans laquelle je recevrai par téléphone Loïc Veillet-Lavallée, qui nous parlera de son ouvrage intitulé Le Grand Saut, et bien sûr toujours lundi à 14h, toujours en direct, pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai dans nos locaux Solène Roland de l'atelier de Salem, qui réalise des bijoux, des objets précieux, des sculptures, des ornements. Elle nous parlera également de verre à la flamme et de métal. Voilà, ça promet une émission très intéressante à nouveau. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup je vous dis à samedi. Donc salut et à samedi.